cœur d'élite, c'est les rappeurs que t'as toujours kiffé. Te demande pas qui fait quoi, qui fait qui, quand on va kicker. Quel est le circo, c'est les rappeurs qui veulent killer. Hein, okay. Qui sait se faire enculer. J'suis dans le 94ème département. Yeah. Kicker d'élite et mathémat, débarquement. Yeah. On est venu tout détruire, les jaloux crier aucun détruit. Les killers pour kiffer, les kickers pour tous se skiver. J'fais des textes de malade qui t'envoient à la balade. Madame rap, j'suis trop à l'aise comme une meuf à la baraque. Ok, je défrais les palettes pour me tester palettes. Palettes, j'suis le mec qui balaye. Barthes, ils veulent parler. Palettes, directement, c'est intestable. Donc logiquement, c'est détestable. Dans le rap, j'suis venu casser des côtes. Impossible de rester star. C'est pour mes règles qui font pas les stars et qui sont là quand ça star. Si tu nous racontes ta vie, j't'appelle Jeff et j'm'insta. Reprise de voler, la volaille volée, ta folie. C'est le fourré dans la forêt, les faux se frais dans la fosse. Quand je t'épouvraille, c'est la folie. C'est comme ta meuf folie, kicker d'élite et RGO. Celui qui teste bah il vomit. Kicker d'élite, c'est les rappeurs que t'as toujours kiffé. Te demande pas qui fait quoi, qui fait qui, quand on va kicker. Quel est le circo, c'est les rappeurs qui veulent killer. Hein. Qui sait se faire enculer. Kicker d'élite, c'est les rappeurs que t'as toujours kiffé. Te demande pas qui fait quoi, qui fait qui, quand on va kicker. Quel est le circo, c'est les rappeurs qui veulent killer. Hein. Qui sait se faire enculer. Je te présente KLN, Turbo, Mike. On recommence à zéro. Un groupe, t'inquiète, poto, on fait du sale. On a besoin de personne pour percer. On va transpercer. Lyrical perceuse dans ta tête, on va disperser. Deux, je te présente Kicker d'élite. Ça va kicker des litres. Le groupe 2010, ça tire des balles. Ça va caler des gifs. Tu captes, c'est qui Kicker d'élite. C'est des brassos en live. Alex, t'as ton claf. Si tu bégayes ou tu papotes trop mal. TRGO, Trémon, comme on démonte. On débarque, c'est des barreaux, Mike. On démarre, remarque, c'est trop d'arômes, Mike. On défonce. Définition du mot lyrical. Flow, rien que des lyrical. Punch et des lyrical. Bastos. Tu capes tout pas, kicker d'élite, on met des looks qui comme mêlés, si tu milites, non te mêle. Ah, tu capes tout pas, kicker d'élite, on met des looks qui comme mêlés, si tu milites, non te mêle. Kicker d'élite, c'est les rappeurs que t'as toujours kiffé. Te demande pas qui fait quoi, qui fait qui, quand on va kicker. Quel est le circo, c'est les rappeurs qui veulent killer. Hein. Qui sait se faire enculer. Kicker d'élite, c'est les rappeurs que t'as toujours kiffé. Te demande pas qui fait quoi, qui fait qui, quand on va kicker. Quel est le circo, c'est les rappeurs qui veulent killer. Hein. Qui sait se faire enculer.